de la moutarde, du pain du beurre, de petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Le poulet pas, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ombres boîtes et les tomates, les cornichons. Errance Renaldienne, heureux de vous retrouver ce soir! Comme à tous les jeudi à vendredi, c'est bien là, ça, hein? C'est très, très mêlant. Mais ça ne prend pas grand-chose hein, pour nous amener ailleurs, pour nous faire oublier ou débarrasser de nos schèmes courants. Il suffit juste d'une petite virgule lorsqu'on est habitué au point final, là. Hey, pas de guillemets, moi, là. Hey, qu'est-ce qu'il faut avoir à l'intérieur des guillemets? C'est quelque chose qu'on ne comprendra pas. C'est pour ça qu'ils ont mis ça dans, entre guillemets. Voyons. Oui, tu connais rien à la linguistique. À la quoi? Linguistique. Linguistique, ben oui. S'ils placent des mots entre guillemets, c'est soit un anglicisme. Oui. Ben, je comprends pas l'anglais. OK. C'est soit un terme technique. Oui. Je comprends pas les termes techniques. OK. Ou c'est soit un mot incompréhensible par tout terrien. Et puis? Je suis pas un terrien. T'es pas un terrien? Je suis pas un terrien. Avec ta voix... Non, excuse-moi. Avec la voix que t'as? Ouais, oui, je sais. Quoique, ça porte à confusion. Ça porte tout court. Ça porte. Certaines huiles peuvent se vanter d'être extra-vierges. Dans cette éprouvette venue d'ailleurs, nous avons d'ailleurs beaucoup de choix. La gouttelette de la jus, la gouttelette qui cherche son prochain et veut le tenir par la main. C'est une chanson que je vais soumettre sans doute. Anna Mouskouri. Et puis, nous, dans cette éprouvette, nous éprouvons des difficultés bipolaires. Veuillez nous en disculper. Nous interrompons momentanément cette émission pour vous présenter, via nos satellites, une rencontre des plus exceptionnelles. Maurice, tu sais qu'il y a eu des défis qui ont été lancés par la Fédération mondiale de lutte. Et tu es un des premiers à avoir accepté ce challenge, car on peut dire que c'est un challenge. Edouard, quand tu regardes ça ici, ça veut dire World Wrestling Federation. Mais c'était W. W, c'est justement ça qui va se passer. W pour Vachon. Parce que Mad Dog Vachon va être, lui, va être obligé d'être doublement bon pour triompher contre les adversaires qui viennent du Sud. Notamment des États-Unis. ici Édouard que moi et toi, dans le passé, on n'a pas fait trop bon ménage. Mais laissons nos luttes fratricides de côté. Et je sais une chose, que lorsque j'ai commencé dans le métier de la lutte, un métier ingrat, parce que les gens se souviennent seulement, on se souvient seulement que des gagnants. Et je me rappelle à mes débuts que j'en ai mangé des volées. J'en ai mangé des bonnes. On m'a cassé les dents. On m'a fracturé le larynx. Combien de fois que j'ai été à l'hôpital. On me dit qu'à mes débuts, Édouard, que Maurice Vachon, dans ce temps-là, c'était pas Mad Dog. Maurice Vachon, il te manque quelque chose. Tu ferais un cavalier de bien dans la lutte. Et moi, je vais dire une chose. J'ai tant décidé de réussir. Et je crois que j'ai prouvé mon point. En 1948, comme tu sais, moi, j'ai représenté mon pays, le Canada, aux Jeux Olympiques. On me dit que j'étais pas assez gros que je ferais jamais de rien de bien. J'ai battu aux Jeux Olympiques à Londres, en Angleterre, champion des Indes, dans 22 secondes. Et ensuite, aux Jeux de l'Empire britannique, en Nouvelle-Zélande, j'ai gagné une médaille d'or. J'ai gagné trois fois le championnat du Canada amateur. Et depuis ce temps-là que j'essaye et je me bats sans cesse pour représenter les Canadiens français partout à travers le monde. Il y en a qui ont toujours essayé de manger la laine sur le dos, mais ils n'ont jamais réussi. Et tant que j'aurai une goutte de sang qui va me couler dans le corps, il n'y a personne, M. Carpentier, il n'y a personne qui va réussir, qui vienne des États-Unis ou d'ailleurs. Eh bien, on a entendu Maurice. Il n'a pas changé. Il est exactement comme il était avant. Il revient avec la détermination et pour rencontrer tous ces champions de la lutte mondiale. Soyez présents. Merci. Alors, on s'excuse infiniment pour peut-être un langage ordurier ou des québécismes que vous n'avez pas saisis. Mais c'est Mad Dog Vachon. Si tu comprends pas, c'est ton problème. OK, excusez-moi. Hommage à ce grand monsieur. Qui était tout petit, mais qui était ravageur! Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone! Moi, à Montréal, à Trois-Rivières, à Matane, à Québec, je vais toutes les tuer! Toutes les tuer! J'en ai mangé, mais moi, contrairement à Monsieur Vachon, oui, j'ai mangé quelques volets, mais j'ai agrémenté de d'autres vinaigrettes. OK. La vinaigrette californienne, oui. Ça donne un goût un peu plus sucré à la volée. Oui, ça fait tout est parti dans ma tête. Hein? J'avais plus un souvenir de mon passé. Plus un souvenir de mon futur, puis vous allez me dire, « Ouais, mais on peut pas en avoir dans le futur. » Mais ça, c'est votre problème, parce que vous en avez mangé. Vous en avez mangé, les coups aussi. Parce que normal, tout être normal, normatif, normal, merci. Arrête de me cracher des... Crache-moi le mot! Veux-tu en manger une? Écrémée? Moi, t'en faire manger une écrémée, moi. Une écrémée de Saint-Simon? Hein? Oui? Mais? OK. Oui, mais savais-tu qu'on est... En direct, oui. C'est... 80. Oui, on va en manger une. Oui. Ensemble, toute une. Oh, on va se la... Oh, toi puis moi. Ma belle Chloé. Oh, moi, c'est très, très, très, très, très, très rapide, moi. On m'appelle le Rénal le précoce. Ouais. Ben, moi, j'arrive avant même de manger. Ah, moi, j'ai l'appétit plein en regardant les revues de recettes. Puis j'ai tellement d'imagination, toi, ma belle Chloé, je vais t'expliquer ce qui se passe là dans ma tête. J'ai tellement d'imagination que lorsque j'ouvre une revue de cuisine, là, pas des revues, non, où on cuisine des aliments, pas où on cuisine son prochain, là, pas de, du catch, kitch, kutch, catch, kutch, kutch, qu'est-ce que tu dis? La lutte. Au Québec, on appelle ça la lutte. Ailleurs, en Suisse, puis en Belgique, puis là-bas, là, on appelle ça le catch. Encore des termes en anglais, hein? Catcher, catcher, catcher, catchy, catchou, catchy, catchy. Ouais. J'ai accoutumance, moi, là, de me rappeler qu'on décharge des mots un peu partout sur la planète, mais la signification de ces mots-là, hein, ne se trouve pas à la même exactitude de pays en pays. Par exemple... Ah, oh mon Dieu, là, on va... Non, il y a des exemples. Oh, monsieur. Là, on se noie. On se noie pas, tu vas en manger une. Moi, je te conseille avec la mayonnaise. Parce que si tu manges avec la mayonnaise, le coup sera moins difficile, puis ça va tomber dans le plouf, ça va éclabousser partout, puis c'est plaisant. 8,5. Fellini. Non, c'est pas Fellini, c'est 9,5. 9,5, c'est sans Fellini. 8,5, c'est avec Fellini. Mais... La nuit, on ne fait pas de cadeaux. Mais que c'est triste la nuit, avec ou sans Fellini. Et puis... Puis y'a l'autre, qui arrête pas de crémer. On va m'en mettre de la crème. Non, mais on va en manger une belle. Qui a fini pas d'en crémer. Parce qu'il n'a pas de culture, hein? Il n'a pas de culture. Et plus il en a pas, on le voit qui en badigeonne un coup, là. Il en badigeonne le premier, là. Il en met épais d'épais. Le Québécois épais existe-t-il? Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, mademoiselle. À chaque carrefour, à chaque calembour, vous allez trouver votre bon Québécois épais. Québécoise aussi, tout aussi épais, celle-là, là. Je l'aime! Ben oui, mais va-t'en, je l'aime! Maman, je l'aime! Ben reste avec! Oui, mais je vais rester avec! Mais là, viens pas te plaindre! Me suis-je plaint? Écoute, moi, j'ai rien contre, là. Que tu aimes en manger. Mais appelle pas Urgence Santé, appelle pas le 911 si t'aimes en manger. Puis ce serait beaucoup mieux de prendre un verre d'eau tout en en mangeant une. Parce qu'il y a des petits mâtons qui sont plus complexes, là. Les carrés, les triangles. Toutes des petites structures avec des pointes. Tu peux rapidement en mourir. Alors, il est bien important. C'est pas important, important. Il est très important. Important. Il est très important. Merci. Merci, Madame Farouche. La mouche, la nouche, la mouche, la touche, la mouffe, la touffe. Ah oui, merci. De vous proposer ce soir à cette émission qui semble, bien sûr, s'en aller un peu partout dans les sentiers de l'absurde. On n'aime pas ici, ni là-bas. Ce genre de discours qui ne tient pas le pied dans les... Hein? Non, c'est dans les plats que ça tombe, ces discours-là. Puis là, qu'est-ce qu'ils font, nos députés, nos députaises? Hein? Nos préjugés? Nos gonzesses et nos gonzesses? Ils les placent dans des petits... Oui, des petits pots. Des petits pots ou des gros pots, ça dépend de l'énormité. Là. Ils le ferment, ils l'enferment. Pas plus tard, plusieurs années plus tard, les réouvrir. Et là, on réentend les mêmes conneries. Oh, hein? Ouais, mais ça, c'est mon petit... mon moment d'indignation. Moi, je fais toujours... Parce que sinon, c'est pas moi, là. Si je fais... Je me sens comme le papillon, là. Puis le papillon qui s'envole ne revient plus. Puisqu'avec le vent, là, essaie de te retrouver avec le vent. Pas capable. Plus il y a de vent, plus il y a de papillons qui s'éclaboussent un peu partout. sans savoir où ils vont. Puis un papillon qui ne sait pas où il va est un papillon de nuit, de nuit. Et les nuits sont faites pour dormir? Non. Sont faites pour jouir, jouir, jouir du temps. Du temps, du temps qui passe et qui trépasse dans un monde d'angoisse. Monsieur le Président, bonjour, ça va bien? Monsieur n'est pas trop catholique et cathodique. Bref, cessez de vous reproduire devant vos écrans cathodiques. La caméra numérique est là, là, mais il ne pourra pas avoir d'enfant là-dessus, là. Il faut une union charnelle là, entre deux des... Oui, en direct. Oui, mais pas devant l'écran. On s'entend bien? On s'entend pas. Bon, OK, on s'entend pas. On s'est jamais entendu non plus. Moi, regarde le monde, le peuple est additionnel. Moi, je veux rien savoir de ça. Moi, je veux les Marlino, je veux les gens qui... Oui, il y a Bibi. Bibi Fonfon. Bibi Fonfon, les marionnettes et Bibi Fonfon, les tout bétons. Monsieur le Président, excusez-moi, messieurs les patrons catholiques et catholiques, madame et mesdames les voluptés, et croyez-moi, il y en a des voluptés. La volupté s'en va au passage. Et dans le boudoir, on retrouve mon ami Sad. Les boudoirs de Sade. Les boudoirs de Sade, oui, ils sont bleus, jaunes, verts. Avec des peintures d'Andy Barol. Lui, il bariole. On voulait l'appeler au début Andy Bariol, puisque ses œuvres étaient tellement abstraites que l'abstraction ne pouvait pas tenir dans cet art que lui incorporait sur les murs. C'était tout à fait inusité. Les gens rentraient, hein? Et là, on voulait à un moment donné appeler ça l'art. Hein? Oui, c'est les topée. Ah, mon Dieu, elle l'a topée à deux, quelquefois à quatre, ça dépend. Quand il y avait deux, trois coupes de vin dans sa bouche, là, ben, je dirais une après l'autre, là, elle est elle montait, puis on l'a moi, la maman. Oui, oui. OK. Mais non, on continue, on continue, madame. Et vous, cher résident? Ben, vous devriez être téléphoniste quand on appelle pour des plaintes, vous, là, là. Aussi bête que ça, là. Hey, j'ai eu un appel avant-hier. C'est le numéro masqué, là. Tu peux pas savoir qui appelle. Là, je me dis, hey, si c'est pour un emploi, là, à la République. À la République, oui. La compagnie créole qui m'appelle pour faire du banjo. J'en joue pas de banjo, mais comme la compagnie joue pas de musique, fait semblant de gang, c'est quoi, c'est des disques, là? C'est rien de vrai, ça, là, c'est la compagnie créole. Ben, c'est rien de vrai, les musiciens sont là, puis ils chantent, mais c'est des disques. Tu fais jouer des vrais musiciens, mais quand c'est sur scène, tu peux faire jouer n'importe qui. Moi, je peux jouer de du sifflet. J'ai un serpent qui est apprivoisé, moi. Un serpent toutou, là. Toutou. Ah, il connaît toutou sur la musique abstraite. C'est lui qui fait c'est veut dire, ça vient de lui, ça. C'est un grand succès, hein? Aujourd'hui, on le répète à qui veut pas l'entendre. C'est veut dire, ça dépend là, de la tonalité, de la soirée, combien de gens il y a et combien vous voulez épater la mezzanine. Parce que la galerie, c'est classique, là. On connaît ça, mais la mezzanine, c'est un peu plus, un peu moins. Bienvenue, hein? Pardon, excuse-moi, il ne faut pas dire. Pardon? Oui. On y va. Oui, on enchaîne. Madame, on connaît ça, nous autres. Là. On fait cette émission-là depuis 45 ans. OK? Comment ça, c'est qu'elle n'est pas là depuis 45 ans? Non, non. 40, oui, je sais, 40 ans. Là, c'est la 41e année. Mais pendant 4 ans, on a réfléchi. Moi, je faisais mon émission avant que ça soit diffusé. Même dans la bédaine de ma Ma maman. Ben moi, je suis né d'une maman, mais une maman extraterrestre qui était dans son skit-put. On appelle ça un skit-put en haut. Vous autres, c'est OVNI. Mais dans le skit-put, hein, il y avait trois mamans. Moi, j'étais dans les trois mamans parce que les mamans étaient entrées à l'intérieur d'elles-mêmes dans une sphère qu'on appelle l'ovulation extra-lucide. Puis là, ils se demandaient quel enfant on va mettre au monde. Quel enfant... Parce que moi, je devais venir ici pour endoctriner le peuple québécois à la séparation du Québec. On y est presque. Non, on y est presque, là. Moi, c'est pas très... Madame, c'est exactement ça, c'est simple, moi, là. Je me ferme les yeux. Oui. Je me gonfle les joues. Puis à travers tout ce qui va émaner, les gens vont saisir qu'il faut dire oui. Ça, ça va pourquoi. Même les purs traditionnalistes, là, comme MacDoc Vachon. MacDoc Vachon qui a dit Canadien français. Là, je ne peux pas lui faire, lui, parce qu'il était en satellite. Puis là, je ne savais pas. Moi, là, on m'a pris à Bouche-la-Bée, puis j'aime pas ça être prêt à Bouche-la-Bée, puisque je suis à Québec. Puis c'est 3h30 d'ici, Bouche-la-Bée. Puis ils l'ont bouché parce qu'il y a de la neige actuellement, puis de la glace, puis du puéril. Mais là, ils vont passer du sel là-dessus, mais il y a tellement de choses qui vont passer là-dessus. Ça fait penser à ça. Et bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce réalité, Rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénald. Comment ça, la lumière est haute? On ne capte pas sur les caméras. Là. J'ai l'air d'un... J'ai l'air de ce que j'ai l'air. Là. De ça, là, excusez-moi. Pour les gens qui voudraient entrer en communication avec moi, j'ai les cheveux châtains, les yeux rouges. Je me prénomme Réal. J'adore la musique, le cinéma d'auteur, ou le cinéma d'éditeur précaire, là, comme Lou Doyon. Non, c'est ça, c'est son père. Jacques Doyon. Oui. Ingmar Bergman. Ingmar Bergman. Orson Welles. Alfred Hitchcock. Alfred? Oh, il faut passer à la musique. Ben, attends, ouais. Alfred, non, c'est vrai, il faut passer à la musique. On reviendra avec Alfred. Bon, je veux juste vous dire que nous sommes en compagnie ce soir de mon ami Jean-Pierre Coff. Puis, je dois, c'est la première fois, regardez l'heure. Aujourd'hui, le vendredi 27 décembre 2013, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. On a le droit de déchirer ce soir, là. On peut déchirer. Madame, déchirez-vous. Devant nous, déchirez-vous, madame. Plus que ça, là. Bon. Oh, merveilleux, madame. On prend une photo. Attention. 1, 2, 3. Pourquoi vous pleurez, vous, là? Ah, si vous êtes le mari. Ben, voyons, c'est-tu Christian? C'est 3 500$ de tissu qui ont déchiré. Madame, vous êtes complètement merveilleuse. Je vous embrasse. On vous optez pour le démariage. Comment on appelle ça, le démariage? Le concubinage avec une autre? Non, c'est le divorce. Divorcez, monsieur! Rénal est là pour vous sauver la vie! Oh, je prends les armes de Zégarise. Zégarise. Ça, c'est en banlieue de Tombouctou. C'est une île déserte où il se trouve 15 372 personnes ennemies puisque Zaza Gabor, la fille de Zaza Gabor, vient de se faire assimiler. Oui, des étincelles de MacDoc Vachon pour incarner, à un moment donné, un deuxième lutteur qui s'appellera MacDoc Vachon Junior Super-Héros. Bien sûr, un Québécois des plus surnaturels qui viendra au Québec pour coloniser les colons qui ont été trop de fois maltraités par les Anglais et les Français. Oui. Et lui... Ce sera le dieu suprême du Québécois. Puis si on veut être compris de la majorité, il va falloir parler comme ça. Il faut se pratiquer depuis longtemps, à partir de maintenant. Pendant vos rencontres, là, c'est quoi? C'est on festoie, là? On festoie? Non, je dis pas on festoie. On ne te fesse pas, mais on fête. Il pense toujours à frapper, lui. On fête. Festoyer, non pas fesser, là! Le monde a compris, je sais qu'ils ont compris, il y a un danger à rien saisir la première fois, là. Faut demander où se trouve la calotte grise, là, hein? Elle a tout fondu pendant le 25 décembre, quoi, toi, là? Attends le premier, il n'est pas passé, que ça va être quoi? Ça va être. Jusqu'à la fin de ta vie, là. Tu passeras pas 2014, mon petit champion, là, hein? Réveille ta cellule, il y en reste juste une, faut que ça fonctionne! Aujourd'hui, le vendredi 27 décembre 2013, les errances rénadiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot, confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction, oublions les abarras familiaux, les bofs. Oh, j'ai mangé deux bofs, ça... Ouais, oh, bof. McDog, arrête, c'est très violent ce soir. C'est un 27 violent. Et pour nous envelopper dans un atmosphère narratif, unissons-nous autour de l'artiste Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff est un animateur de radio, de télévision, auteur, cuisinier, comédien français, né le 24 mars 1938 à Lunéville. En 1976, Jean-Pierre Coff ouvre successivement à Paris le restaurant La Ciboulette, puis le Modeste qui devient un lieu prisé de la nuit parisienne. En 1992 et 1993, il fait ses premières apparitions ayant pour thème la cuisine dans La Grande Famille de Jean-Luc Delarue et Demain de Michel Denisot. En 2003, c'est bien ça. Jean-Pierre Coff rejoint Michel Drucker sur France 2 et il est chroniqueur dans l'émission Vivement dimanche prochain. Jean-Pierre Coff travaille aussi à la radio en 98 et 2008. À 2008, c'est là que je l'ai entendu pour la première fois. Il anime l'émission Ça se bouffe pas, ça se mange. C'était extraordinaire sur France Inter. À partir de 2003, avec Drucker, il fait des chroniques, mais le 5 septembre 2012, il annonce qu'il quitte l'émission afin de se consacrer entièrement à l'écriture. Mais en juillet 2013, Errance Rénadienne a pu décrocher cet artiste extraordinaire, cet auteur et ce monsieur qui m'a extrêmement intéressé pendant tout mon parcours francophone 2013. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, j'étais heureux. Comment ça s'appelait, donc? Gérard Lenormand. J'étais heureux de rencontrer mon Jean-Pierre Coff qui m'a apporté des belles idées, des ouvertures vers une c'est pas très bon, cette chanson-là. Là, c'est un moment faible. Un très moment. C'est le chaillon manquant. Maintenant, laissons la musique nous enchanter. Ce serait peut-être mieux de se ressourcer. On a quelques minutes pour le faire. Oui, monsieur. La preuve, la musique est là. On les rencontre parfois sur une route d'un jour. On les surprend souvent en train de faire l'amour à des portées de vent qui chantent et qui s'amusent sur les filets du temps où ballerines s'émusent. Ce sont de jeunes enfants pourtant vieux comme le monde qui vous parlent d'un jour en dessinant une ronde. Ce sont des magiciens qui habillent de musique les parfums d'un automne ou d'un baiser unique. Laissez s'envoler les papillons symphoniques, funambules, voyageurs d'une comptine féerique. Regardez-les partir, ces naufragés rêveurs qui transforment la laideur en un bouquet de fleurs. Écoutez la pavane des mômes de septembre, cette marelle insolente que la mort ne peut prendre. Laissez s'envoler. On peut les voir aussi boire cette vieille absinthe qu'est le chant du souvenir, de la mémoire labyrinthe. Ils cherchent quelques notes dans un coin d'enfance, ils cherchent quelques mots pour prolonger cette danse. Alors ils tournent et ils soufflent sur des pavés mouillés pour confier à la pluie des rengaines oubliées, des rengaines qui éclatent comme des balles dans le cœur des passants qui oublient, qui se rappellent et pleurent. Laissez s'envoler les papillons symphoniques, funambules, voyageurs d'une cantine féerique. Regardez-les partir, ces naufragés rêveurs qui transforment la laideur en un bouquet de fleurs. Écoutez la pavane des mômes de septembre, cette marelle insolente que la mort ne peut prendre. Laissez s'envoler, laissez s'envoler. Je dois beaucoup à Jean-Claude Carrière qui m'a beaucoup aidé dans l'écriture, qui m'a corrigé mes premiers livres, qui m'a appris beaucoup de choses et qui est un ami d'une fidélité exemplaire. Et puis voilà. Je n'ai eu que des rencontres qui ont été des chances formidables, alors que je n'ai pas eu de famille. Il y a eu chaque fois des amis qui m'ont pris en main, qui m'ont... Modelé, je ne sais pas, mais en tout cas... Inculquer leur savoir pour que vous puissiez vous-même faire ce que vous vouliez faire. Qui m'ont tracé un chemin très large en m'expliquant que là-dedans, dans la largeur du chemin, il y avait largement de quoi faire et satisfaire toutes ses envies, que si on débordait, il fallait prendre les responsabilités et assumer le fait qu'on déborde. Mais que si on débordait, il y avait danger, d'un côté comme de l'autre, dans ce qu'on fait. Mais qu'au milieu, enfin au milieu ou sur la bordure, on peut être borderline ou plein centre, c'est comme on veut. Mais que, non pas danger, mais... risque. Okay. Et qu'il fallait mieux savoir ce qu'on allait faire de l'autre côté. Et réfléchir. Tout le problème, c'est de réfléchir. Hier après-midi, il y avait une dame qui m'attendait devant chez moi. Pour que je lui donne des conseils pour un livre pour enfants. Alors elle avait fait une maquette. J'ai acheté une mèche. Mais on va pas manger. Oh oui. Ah bon, alors allons-y. On va manger. Vous avez faim? Ça tombe bien, on va manger. Ah, c'est pas mauvais. Et mais je voudrais un autre verre de vin, si ça ne vous embête pas. Pas de problème. Vous prenez de la bière ou du vin en mangeant? Je vais prendre du vin. Oui. Du vin. Ok, alors on va choisir. Je vous laisse regarder tout ça, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Hein. En vin, à manger également. Ah, mais on peut pas manger tout un... Oui, bien sûr, à l'intérieur aussi, si vous voulez. Bah, on va manger ici pour pas trimballer les micros. Pas de problème. Ok, merci. C'est fait maison, tout ça ou pas? Oui, beaucoup est fait maison, les produits sont frais, ils arrivent le matin. Et ils sont gardés pendant 3 semaines. Non, tout le matin, délivrés. C'est vrai? Ouais. Alors, c'est parfait. L'andouillette est particulièrement bonne, elle peut avec vous également. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre quoi? Moi, je vous suis. Je vous suis. Ah oui. Alors, faut que je regarde quand même, parce qu'alors là... Ah oui. C'est sérieux. Vous aimez l'andouillette, vous? Oui. C'est bizarre. Pourquoi? Il n'y a pas d'andouillette au Canada, si? Au Québec? Moi, je reste au Québec, je ne reste pas oui, au Canada. Au Québec, c'est pas... Non, mais j'y viens ici régulièrement, chaque année. Et vous mangez de l'andouillette? Oui, mais il y a des restaurants français au Québec. Ils servent de l'andouillette? Oui. Et ils la font faire où? Oh, là, il faudrait demander au cuisinier, j'en ai aucune idée. Aucune idée, mais on en retrouve au Québec, dans les restaurants français. Ah bon? Oh oui. Oh oui. Excusez-moi, mesdames, je vois que vous papotez. Vous papotez, comment dire. Qu'est-ce que vous avez choisi? Une salade norvégienne, en origine. Ah bon, mais vous venez ici souvent? Souvent. C'est bon? Oui. Ça, c'est bon. Ah ben d'accord. Merci, pardon. Pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est possible de faire une photo avec vous? Oui, si vous voulez. Je donne un monsieur une photo. Oh oui. Allez, vous venez à côté là. Allez, voilà. Et voilà, merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez, j'ai donné ma carte à tout le monde. La moitié de ma carte, ma carte, j'ai déjà mis un message. Dieu blâme, ça vous peut vous rendre. Si il y a 2050. J'essaie de diffuser des valeurs universelles. Merci. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé, c'est ça qui m'a fait continuer. Un plaisir. Merci, au revoir. Merci. Thank you. Puis la douillette, hein. Non. C'est très très difficile. Ah ouais. Allez. C'est moi. Regarde la quantité de fromage que tu as. Merci. Bon, bon appétit. Merci bien, monsieur. Le pain est bon. Alors, et avant. Et avant. Allez, Tom Land, je prends un autre à moi. Ok. Oh oui. Et après, je vais commander. Ok. Vous voulez poêler ou pas? Vous? Non. Ok, moi non plus. Top. Ah oui, il faut qu'on boive du rouge alors. Oui, ok. Vous voulez du blanc? Ça veut dire non, non, rouge, moi je suis rouge. Alors, ah, oui. Trouver quelque chose. Ça va, c'est fromage, là, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens. C'est que les gens, un breton. Moi, ça fait un moment que j'ai envie. Ah bah ça, ça va, alors c'est très bien. Votre saumure champigny. Ok. De chez Thierry Germain, c'est très bien. Voilà une maison. Excellent. Voilà. Voilà. Et donc, l'andouillette, je ne l'aime que tirer à la ficelle. Ok. Alors là, c'est risqué. Là. On verra. Non. J'aime bien regarder l'andouillette, okay. Je regarde d'abord à côté pour voir s'il y a des comme j'aime. Très très chiant. Vous voyez qui est Laurent Gérard? Oui, bah oui, bah oui, oui. Alors, imitateur. Laurent est fou d'andouillette. Et alors quand il venait à Canal, quand j'étais à Canal, je faisais venir de l'andouillette de la Ferté-sous-Jouarre. Par un charcutier qui faisait vraiment ça d'une manière formidable. Parce qu'il faut que le boyau soit très très propre quand même, parce que sinon ça sent la merde. Ouais, ouais, ouais. Et alors, alors, messieurs. Alors on va prendre deux œufs samoiles et pas de poivre pour moi. Pas de poivre. C'est tout ce que je veux prendre. Et deux tartares. Ils sont coupés au couteau ou à la machine? À la machine. Alors non, j'en veux pas. Alors je vais prendre ça, une andouillette, ben voilà. Sans moutarde. Sans moutarde, la sauce je peux la mettre à part si vous voulez. Hein. Non, non, pas pour moi. D'accord. Même chose. Voilà. Deux andouillettes. Oui. Même chose. Ouais. Et une bouteille de... Ok. Et donc le rangé là. Alors, on faisait venir toujours une... Mes andouillettes, je l'ai bien là. J'en profitais pour inviter tous les techniciens. J'aime ça, c'est un truc de base, mais il faut que ça soit bon. Mmh. Et Michel Drucker venait et il disait, mais qu'est-ce que vous faites, on ne vous voit pas. Bah, tu vois bien qu'on est en train de manger, quand même on mange de l'andouillette. De quoi l'andouillette? Alors, pour lui, c'est un truc tout à fait exotique. Hein. C'est comme si vous lui disiez... On va manger une cipaille. Oh, oui, oui, oui. Il ne sait pas ce que c'est. Il faudrait qu'il appelle Céline Dion pour savoir ce que c'est. Mm-hmm, mm-hmm, oui. Ma mère le faisait. Ben, moi, je l'ai faite. J'ai fait une cipaille pour Céline Dion, c'est Drucker. Hein. Et puis ben, j'ai appelé la maman pour savoir quelle était okay. La recette, la maman de Céline. Et puis ben, je l'ai faite. Est-ce qu'elle apprécie? Dans une émission, on ne mange pas. Oh, ok, on fait semblant. Non, non. Mange du boucher. Mais vous, est-ce que vous l'avez essayé à la maison? Oui, oui. Ok. Et puis? Je pense qu'on peut s'en passer. Oui, ben oui, oui. Effectivement. Oui, c'est pas un grand mets, mais c'est le mets des prolétaires au Québec, souvent. C'était... Oui, mais... Mais on en mange de moins en moins. Ça s'est perdu. C'est tellement chiant à cuire. Oh, oui, oui, ça s'est perdu. Mais chez nous, c'est beaucoup plus le ragoût de boulette. Des mets copieux, beaucoup de jambon, beaucoup de... du bouilli aussi. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bouilli? Oui, bien sûr. Voilà, on mangeait beaucoup de bouilli, donc... Des poteaux feux, en tout cas. Exactement, exactement. Mais, ça n'a pas d'importance, que ce soit bouilli, mijoté, etc. L'important, mais en réalité, comme j'ai vu que ça marchait pas, si des gens respectaient la cuisine et connaissaient un peu les choses, les produits, ce serait extrêmement simple. Dimanche, toute la France va voter. Aujourd'hui, nous descendons sur la plage en maillot de bain et nous portons des lunettes noires. Mon amour, tu me manques, ça fait un bout de temps que tu te planques. J'ai pas vu à l'horizon se pointer ton minois mignon. Mon amour, tu me manques, j'ai même oublié ton nom. Ton souvenir est une calanque, tout mon corps un chiffon. Et quand l'amour ça manque, ça sert à rien de danser. Sous la pluie, à moi qui me flanque au cœur, sacré coup de fouet. Je t'attends, Nike au pied commence à perdre la tête. Et rien que pour un baiser, je t'attendrai en chaussettes. Mon amour, tu me manques, parce que sans toi c'est les paris. Avec le journal d'Anne Frank, j'irai peut-être à Saint-Denis pour être ta Lara Croft. Toi, mon beau, mon fort, mon shaft, j'enfermerai dans un loft mon cœur en papier craft. Je ferai ma vie en sitcom, comme un peu sur la croisette, @bonheur.com, même si le carton pâte ça pète, pour qu'enfin tu me remarques, moi, la fille un peu bidon. À vos marques, je débarque dans l'asile de Cupidon. Mon amour, tu me manques ici. On est enfermé, on doit danser le French camp que pour pas être éliminé. Mon amour, tu me manques, j'ai comme l'envie de chialer. Regarde-moi en saltimbanque, en putain de la télé. Ici, pas une planque pour s'asseoir ou pour pleurer. En travelling, au zapping, je serais pas belle à regarder. Puis toi, mon amour, tu viendras pas me chercher avec ce rimmel tout autour qu'on finit plus dégueuler. Mon amour, tu me manques, ça y est, le public a voté. Une croix au stylo à encre juste au coin de la télé. Mon amour, tu me manques, et sur le carton y a marqué: mademoiselle, vous êtes vivante, bravo, mais vous êtes virée. Alors moi, pour toujours peut-être, que je vais en terminer, me faire un nœud de secours vu que les fenêtres sont condamnées. Puis toi, mon amour, t'as bien d'autres chats fruités que de me jouer les feux de l'amour, moi qui suis bonne qu'à zapper. Thank you. Là, ici, maintenant. Pourquoi tu fais ça? Parce que je voulais, en même temps, synchroniser l'image et le son. Et j'étais pas prêt. Je dansais pendant la chanson de Rita, la Mouko, la Mickey, la Mickey, la Mouko, la Mouko, la Père Noël, c'est un Québécois. Non, la Rita Mitsuko. Je dansais, moi, j'étais parti. Chercher deux pizzas gauloises. Je demanderais à la petite championne là, de m'amener deux fromages, des bacon, pas bacon, moi, je suis pas bacon. Est-ce que j'ai l'air d'un bacon? T'es déjà un chicken? Un chicken? Oh, pas de chicken, moi, le poulet, là. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Je descends d'un cran. Ma chaise est trop haute. Oups, je viens de... Hein? L'avez-vous senti? Non, mais ton fessier, oui. Mon fessier, oui. Mon fessier, ton fessier, mon fessier. Et j'espère qu'on débordera pas trop. 10 minutes déjà, là. Il faut envoyer des... Il faut envoyer des ondes. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-lui nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Denford suspendait les corps un par un après les avoir passés dans les soreuses. Belle grosse essoreuse qu'on a achetée chez le champion des antiquaires. Puis le vendeur m'a dit, on n'a jamais épongé de cadavre avec ça. Je dis, pardon? Il me dit, on n'a jamais épongé de cadavre avec tout ça. Vous venez de me divulguer que vous nagez jamais? Je n'ai jamais nagé au mois de mai, puisque la goutte au nez révèle les ruisseaux. OK. Non, l'essoreuse n'a jamais épongé des sentiers goudronnés au mois de juillet. Et monsieur, c'est pas ça que vous avez dit, là. C'est, comment t'appelles ça? C'est le syndrome du téléphone. Un dialo, dialo, dialo, dialo, dialo, dialo, diari, diari, diari, diari, diarénal, que le temps est venu des cathédrales. Non. Non, c'est quoi? C'est le Tombouctou de l'Indien. La chouette est rebelle. L'autre entend avec moi. La couette est rebelle. Pourquoi? La ouette et Manel. Hé? Enfin, au bout du compte, on comprend absolument rien. Le discours a été un peu comme dans les journaux, les quotidiens. Hein? Vous achetez 18 quotidiens francophones, vous les lisez un après l'autre. Là. Vous vous dites, voyons donc, c'est la même information. Ben oui, c'est il y a quatre grands trucs. Il y a Associated Press, là, AFP, je m'en suis même plus. J'ai fait des études là-dedans, moi, là. Mon 3 500 $ est parti où? Il est parti par son... C'est dommage! Le passé s'oublie et l'avenir reste à voir. Mais plus on veut se souvenir, moins on veut en voir. Parce qu'on dit, moi, j'ai tout vu. Même Jacques Dutronc a écrit, j'ai tout vu, tout vu, tout vu, tout vu, tout vu, tout vu, tout vu, tout vu, tout vu, tout vu, j'ai tout vu ça, ouais. C'est pas ça, Jacques Dutronc a dit, j'ai tout vu, tout bu, tout lu. Tout nu. Non, il était habillé. Il y avait Françoise Hardy qui, elle, accueillait des danseuses et des danseurs dans son ukulele band. Un quoi? Un ukulele band. Ça joue quoi? Ça joue de l'harmonica. Attends un peu. Le groupe s'appelle Ukulele Band. C'est pas Brand, c'est All Brand. Non. C'est pas ça, c'est du Ben. Et puis Jacques était tout à fait d'accord. Lui, il se côtoyait une petite cactus, là. Oh, Mikini 18 ans. Oh, il disait, je suis un cactus, tu peux t'asseoir. Aïe. Il semble que c'est la chanson, là. Ben oui, mais il attirait ses venins par là. Il a tiré ses venins. Ben oui, parce qu'il ne devait pas faire ça. Comment ça? Françoise était là. Était où? Au deuxième étage. Lui, au premier étage? Ben oui, il était pas capable de monter plus haut. Il y arrivait à 3-14 du matin comme Frank Sinatra, Dean Martin puis Sammy Davis Benor. Et c'est à quatre pattes comme le quadrupède à chercher l'os de leur vie. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'os de ma vie. Le titre de Bukowski, c'est « La machine à essorer les tripes ». Qu'est-ce que c'est qu'un bon plat? Ben, posons-nous la question. C'est d'abord le produit central, le produit de base. Je l'aurais pas dit. J'attends de voir si ça va donner un œuf. Et moi, j'aimerais bien un verre de blanc avant. On reprend un blanc. Ouais, ça n'empêche pas. Oui, je l'ouvre comme ça. Ah bah évidemment. C'est un produit, poisson, une viande, n'importe quoi. L'assaisonnement juste qui va avec, mais un assaisonnement. C'est pas une couverture de merde dont je ne sais pas d'où ça vient, avec un peu de cumin broyé avec de je sais pas quoi, etc. Non, l'assaisonnement juste. S'il vous plaît. Qui moi aussi, je vais goûter, moi aussi. Mais ça n'empêche que je voudrais le blanc quand même. Comment ça, c'était le vin préféré de mon ami Carmel. Ça. Ah oui. Très bon, à mon avis. Vous voyez, ça, ça fait du bien au jus. C'est bien dit. C'est bien dit. Merci. Et j'arrive avec le blanc. Un plat. Un assaisonnement et une garniture. Dès l'instant où vous sortez de cette trilogie, alors quand je dis produit, c'est cuisson juste du produit. Disons qu'il y a quatre éléments. Bien cuire le produit, juste de l'assaisonner. Et à partir de là, c'est tout. C'est ce qui compte, c'est avant tout le produit, c'est rien d'autre. Le reste, c'est de la littérature. Tous ces gens qui mettent des épices partout, cuisine moléculaire. Non, mais vous imaginez qu'on puisse inventer ça? Vous êtes quand? Ben, la cuisine où il y a déjà un mec qui se fait couper le bras et un autre qui meurt, c'est quand même assez emmerdant quand même. Alors oui, j'y tiens pas, d'ailleurs ça n'existe plus, on n'entend plus parler de ça du tout. Chez nous, il y en a encore beaucoup. Mais ben, tant pis pour eux. Oui, oui. Et c'est très cher, en plus d'être... Ben parce qu'il faut du matériel pour faire ça. Hier, j'étais dans un restaurant, alors... Le gamin vient me voir en me disant « Alors, c'est comment ?» etc. Je lui dis « Mais c'est bien, mais c'est étrange quand même. Là, c'est trop sané. Hier, justement, je mangeais un tartare hier parce qu'il était coupé au couteau. Et ils avaient mis un œuf qui était... Merci monsieur. Voilé, c'est quoi? C'est en fait un œuf mollet. Si vous mettez sur un tartare, vous n'avez plus de liant, il faut remettre de l'huile. Mm-hmm. C'est une imbécilité. Oh oui, je vais vous raconter l'histoire de la dame hier. Ok, oui. Alors j'ai une dame qui m'attend devant chez moi, attendez, avec un projet de livre. Pour enfant. Pour enfant. Elle me dit, je voudrais que vous m'aidiez. Alors, je sais pas, montrez-moi ce que vous avez fait. Alors ça s'appelait La Fée Nature. Moi, je serai sur la base. Et puis le sous-titre, c'était Comment faire des frites, comment faire des chips. Okay. Et à l'intérieur, il y avait 12 pages. Hein. Donc je lui dis, c'est déjà pas un objet d'ivresse, parce qu'il n'y a que 12 pages, je lui comprends, on peut pas. C'est un truc qui est collé, comme un livre de colportage. Oh, oui. Je lui dis, mais... Je feuillette, puis tout à coup, je vois son... Elle dessine en plus, non seulement elle écrit, mais elle dessine. Elle avait fait un trou pour indiquer qu'on mettait une boule de terre en terre. Okay. Qu'il allait y avoir un peu de verdure, puis qu'après on tirait dessus, puis qu'il y avait des pommes de terre. Et il y a une phrase qui m'avait choqué, elle dit « Et tu fais chauffer une bassine d'huile ?» Et je lui dis « Le livre s'adresse à qui, madame ?» À des enfants de 3 à 6 ans. Je lui dis, écoutez, d'abord je n'y connais rien dans les livres pour enfants. Moi j'ai fait des livres, des bandes dessinées, mais pour des mômes plutôt entre 10 et 15 ans. Franchement, actuellement, nous sommes dans ce pays rentrés dans une ère hygiéniste. Il ne faut plus manger de gras, il ne faut plus manger d'huile, le beurre va être banni, enfin c'est... Il faut aller vers la margarine. Le jambon est décoiné, dégraissé, c'est vraiment un monde absolument fou. Et là, vous êtes en train d'encourager des mômes à manger des frites, alors que la plupart des gens LPNNS disent qu'il faut supprimer les frites dans, tous les, dans toutes les collectivités. Qui voulez-vous qui achète ça? Et en plus, après, vous racontez à un môme de 3-6 ans qu'il faut qu'il fasse chauffer une bassine d'huile. Vous voulez ébouillanter la moitié de la France, sur le motif marche. Je dis, mais avant d'avoir cette idée-là, réfléchissez à l'intérêt que ça présente. Qui va l'acheter? Qui va le lire? Vous savez que des parents qui entendent à longueur de journal, à télé, radio, arrêter de manger des frites, vont acheter un livre pour apprendre à des membres de 3 ans comment on fait des frites. Racontez l'histoire de la pomme de terre, si vous voulez, qui est un polar formidable. Mais ne racontez pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Moi, je veux bien vous aider, mais je connaîtrai des éditeurs, je ne leur enverrai pas de soutien. Je considère que c'est très grave. Et puis sa réaction? Oui, mais j'y crois parce que je voudrais aller dans les écoles pour leur apprendre. Qu'est-ce que vous voulez apprendre à faire des frites dans les écoles? Ils en ont tous les midis des dégueulasses. Surtout que maintenant, les frites, les industriels ont réussi à faire des frites qui sont surgelées, qui cuisent dans un four, donc qu'on peut faire. C'est incroyable. Incroyable. Puis surtout, vous demandez votre avis sur un sujet aussi, aussi populiste, aussi, les frites. Elle me dit, alors je lui dis, mais vous voyez bien qu'il y a un chapitre là seulement, on ne peut pas faire un livre avec ça. Ah bon, mais ça existe ces petits livres. Vous n'avez plus jamais vu un livre de 12 pages quand même. Ou alors, là, il y a... Cartonné pour les plus jeunes. Trois dessins, c'est tout ce qu'il y a. Alors elle me dit, non mais parce que je vais faire la fraise et la tulipe. Ah bon? Je dis ça, quel rapport ce truc-là, la tulipe? C'est des fleurs pour que les enfants fassent des bouquets de fleurs. Ouais. Entre 3 et 6 ans, ils font des bouquets de fleurs. Non, mais c'est pour leur apprendre le principe de l'oignon. Mais je dis, vous venez de leur apprendre avec la pomme de terre. Je lui dis, racontez l'histoire de la fraise, c'est passionnant. Elle me dit, je ne la connais pas. Bon, je lui dis, mais comment vous allez pouvoir écrire un chapitre, enfin un chapitre de 12 pages, même sur la fraise? Qu'est-ce que vous pouvez dire de la fraise? Est-ce que vous saviez qu'elle était blanche au départ? Ah non, elle était blanche. Oui, elle était blanche. Quand Monsieur Fraisier... Ah, parce qu'il y a un Monsieur Fraisier, oui, mais ça s'écrit pas comme ça, c'est écrit F-R-E-Z-I-E-R, a découvert au Chili les plantes fraises, elles étaient blanches. Et lui, il ne comprenait pas, il voyait une grosse fraise blanche. Alors qu'à l'époque, en France, il n'y avait que des petites fraises qui étaient des fraises des quatre saisons, des fraises des bois, qui étaient aux Tuileries, c'était les bordures de jardin. Nous, on les appelle les fraises des champs. Oui, c'est pareil, fraise des bois ou fraise des champs. Et elle me dit, mais je ne connaissais pas tout ça. Ben, je lui dis, voyez, commencez à apprendre l'histoire, je vais vous donner un livre. Alors, je lui ai donné un livre. Je viens de faire une série de DVD pour les enfants, où on leur apprend justement les produits, des bases de nutrition, l'origine des produits, ben, le BABA, c'est passé à la télé là récemment. Je lui dis, ben, je vais vous montrer ça. Lisez-le, regardez, ça c'est destiné à des enfants, c'est pensé pour des enfants, c'est avec un humour d'enfant, c'est ça que j'ai voulu faire. Ah bon, vous avez déjà fait? Ben je dis oui, j'ai déjà fait, bien sûr. C'est ma passion, la pédagogie, mais on est dans un... C'est très très très compliqué de... Ça passe par l'école avec Jean-Robert Pitt, qui est c'est l'ancien patron de la Sorbonne. Nous avions été sollicités par Madame Pécresse, la ministre de l'Éducation nationale, la ministre des universités du temps de Sarkozy, pour faire une étude de ce qu'on mangeait dans les crousses, c'est-à-dire les restaurants universitaires. On se les est tous tapés. Bonne année à tous les petits dragons. Cassette chinois. Thank you. De Jean-Pierre Coff, Descente au plaisir ou Souvenir d'une bouteille. Ah, j'étais heureuse avec mon rouge pleinement. Et si triste quand nous nous sommes quittés. Nous formions ce qu'on appelle un très beau couple, une belle bouteille. On nous enviait. Quand on dit d'une bouteille qu'elle est belle et bonne, on ne parle pas de nous, on parle du vin. Il y a confusion entre le contenu et le contenant. Ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes sans importance. Au contraire. C'est peu après nos noces d'or que nous avons été séparés. J'étais prête à faire encore un bon bout de chemin avec lui. Mais il en fut décidé autrement. Ah, quelle vie! Un conte de fées. Elle a bien commencé, puisque je suis né du souffle de l'homme. Ça se voit mon cul, hein, il est pas plat comme les mécaniques, les pauvres. On peut également s'en rendre compte, si on regarde attentivement, à quelques imperfections, quelques bulles de ci, de là. Mais c'est mon char, je n'ai pas parfaite. Je le revendique. Mais est-ce que les hommes sont parfaits? L'avenir d'une bouteille dépend beaucoup de la chance. Que va-t-elle devenir? Avec qui passera-t-elle sa vie? Ira-t-elle dans un grand château? Quand on est bouteille ambitieuse, on rêve évidemment d'un premier grand cru classé, mieux, d'un grand millésime. On a ainsi l'assurance d'une belle aventure, car il ne vient à l'idée de personne de boire une grande année peu de temps après sa mise en bouteille. Être bouteille d'un premier grand cru classé, c'est l'assurance du respect. Qui oserait vous tripoter comme une bouteille de comptoir attrapée par le goulot secoué comme un chéquer, souillé de gouttes mal relevées coulant le nom de l'étiquette? Issu d'un grand château, nous sommes traités, honorés, respectés. Et j'ai eu cette chance-là. J'ai été premier grand cru classé et d'un grand millésime 1928, s'il vous plaît. J'ai pas couché. Ah, je vous jure, pas couché. Je le précise parce que maintenant je suis trop vieille pour que ma sincérité puisse être mise en doute. Je mentirais si je vous disais qu'on me l'a pas proposé. Et quelquefois même, souvent, je l'avoue, j'en ai eu envie. Mais inexplicablement, j'ai toujours résisté. Intuitivement, j'ai toujours pensé qu'on avait plus de plaisir à coucher par amour que par intérêt. Quand j'étais jeune, je devais avoir une tête de mari salope, car on me prêtait des perversités, des vices, je ne savais même pas qu'ils existaient. Vous n'imaginez pas ce qu'on a pu me raconter. Dans les caves aussi, hein, y a de la jalousie. Personne ne croit qu'on peut réussir avec ses seules qualités. Moi, je n'ai pas de mérite. J'ai eu de la chance. Au début, je cherchais à me défendre, à me justifier. Finalement, j'ai laissé dire. La seule chose qui comptait vraiment, c'est que je sois ce que j'avais toujours rêvé d'être. Une grande, une belle, une bonne bouteille, un grand millésime, une 28. Hop, arriverait s'y arriverait. top. Oh yeah, up where the air is, up where the air is, up where the air is, up where the air is, up where the air is, fresh and clean. Les gens voyaient arriver, ils disaient, ah, vous allez, on va vraiment avoir bien mangé alors. Je dis oui, qu'est-ce que vous avez mangé? Je me souviens, c'était à Orléans le 4 janvier il y a 2 ans. Ben, les tomates sont pas bonnes, on voudrait une bonne salade de tomates. Je dis, vous voyez, si j'arrive, l'inconvénient c'est qu'il n'y aura pas de tomates du tout. Vous n'en aurez jamais dans les crousses. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est pas la saison. Vous êtes en vacances pendant 3 mois, et pendant ces 3 mois-là, les tomates sont en train de pousser, elles rougissent, elles mûrissent. Donc vous ne risquez pas d'avoir de tomates. Ah bon? Et puis je supprimerai le riz, les frites et les pâtes. Vous n'auriez que des légumes verts. Ah, mais ça va être le bagne. Non? Regardez, vous avez quel âge, jeune homme? Moi j'ai 21 ans. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de devenir obèse? Qu'est-ce que vous avez mangé là dans votre assiette? Une platée de frites, une platée de riz. Vous trouvez franchement que c'est une alimentation avec un steak tartare, avec un hamburger? C'est grotesque. Effectivement. Les gens, surtout les jeunes, ont une alimentation assez. Et alors? On s'est fait foutre, on s'est fait assassiner, Jean-Robert et moi. Parce que nous avions préconisé, pour lutter contre l'alcoolisme, une éducation du vin dans les universités. Le même principe que la pomme, qui venait, on aurait pu faire dans la région, dans le sud-est, on avait des pommes de basalte qui étaient formidables, dans l'ouest, on avait la Bertram, au Mans, il y avait la Reinette du Mans, il y avait tout ça. On avait une richesse variétale incroyable, au lieu de faire bouffer aux gens de la Golden ou de la Granny Smith, qui n'est jamais mûre. Ah ouais. La Granny Smith, c'est normal. Elle n'est jamais mûre avant le 15 octobre. Il lui faut 181 jours de soleil. Or, il y a une autorisation de mise en circulation du produit au 30 août. On voulait que ça soit mûr, c'est pas possible. Mais vous avez aussi fait des émissions pour enfants? Là, je n'en fais rien. Non, mais dans les années 80, oui, comment c'est fait? Oui, comment c'est fait. Ouais. Ça me passionnait. C'était un souvenir. Je reçois encore des lettres des mômes, ils doivent avoir 25 ans, 30 ans. Il y a une petite fille, je me souviens, qui était mignonne comme tout, qu'on avait emmenée à la Réunion. Des mômes qui n'avaient jamais vu la mer, jamais pris d'avion. Ah, mais elle est une moelle alors, Coco. Pardon? Notre moelle. Votre moelle? Quelle moelle? On a commandé des moelles. Ah, vous avez commandé de la moelle? Ah, il a commandé de la moelle, alors. Hein? Oh, sa moelle. Bon, c'est pas grave. C'est trop tard. Ah ben c'est non, puis vous les ramenez, elle va trop tard. Non, laissez-nous. C'est pas grave, c'est pas grave. Merci. Mais il rêve, votre petit gars, là, le jeune homme. Eh, depuis qu'il se prend pour mentaliste, ça y est, il a changé de... Pourquoi il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Le mentaliste. Tu sais, le petit requin qui passe à un télé. Depuis qu'on lui dit qu'il lui ressent, ça y est. Ah bon? Ah non! Ah non, on va pas manger de la moelle après. Non, c'est pas grave. Et vous êtes pas très frites, vous, hein? Vous êtes pas très frites? Mais je les trouve très belles, celles-là. Elles sont un peu soufflées, je les trouve très sympathiques. C'est vrai. C'est en apparence. Non. Ouais. Vous voyez. Ah, vous avez pas de sauce comme moi, vous? Non, j'en veux pas. Hein? J'aime mieux la moutarde que ces sauces crémées comme ça. Ok. Vous voulez essayer, non? Non. Simplicité. Moutarde, ça existe. Ah ouais. En plus, je vous rends hommage, puisque vous êtes le fournisseur de nos graines de moutarde, pratiquement en exclusivité. Oui, effectivement, c'est vrai. Vraiment, excusez-moi. On a le droit de faire de la tête. Est-ce que je pourrais avoir de la moutarde? Bien sûr, on vous amène ça. Ah, ça a l'air pas mal. Ah oui, tiens, la pitelle. Très bien. Merci pour vous. Merci, monsieur. Je vous en prie, madame. Et bon appétit. Si, moi, c'était pour venir faire trois jolies. Très bon. Est-ce que vous venez souvent ici? Quand j'étais jeune, jeune marié, j'ai habité au-dessus de la rue Berthe. Ah oui? Pour vous faire un aveu, j'ai pas dû venir ici depuis 30 ans. Eh bien. Je confondais les rues. Je savais plus où était la rue des Abbesses. Ah! Non. Bon. Si j'avais su, je serais venu en voiture, mais comme un point, j'ai un rendez-vous à... Ah, à quelle heure? J'ai un rendez-vous à 3 heures. Et là, il est quelle heure, non? Il est 2 heures. Bon. Très bon. Très bon. Alors, je... Puis votre rendez-vous est très loin d'ici? Non. Ok. Pas arrivé en retard. Ah. Je vais faire des photos. Des photos pour la couverture de mon prochain livre. Oui, oui, oui. Qui sera disponible en septembre. Qui sera disponible en septembre. Oui. Très bien, vraiment très bien. Très bien. Oui, c'est bon. Et en plus, elle est juste parce qu'elle n'est pas trop assaisonnée du tout, du tout. C'est vrai. C'est vrai. On goûte tout. On goûte tout, c'est vraiment merveilleux. Qui a tué la personne. Vous êtes comme moi. Vous devez commencer par le trou du cul. Ah oui? Et c'est bien? Vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Non. Vous avez plus une extrémité. C'est toujours. Il y a toujours un morceau. Un morceau aussi, d'ailleurs. Là, de l'autre côté de ça. Ah oui. Il y a un morceau d'anus. Ah oui? Des tripes. Oh oui, oh oui, effectivement. Mmh. Ah oui. À mangez-vous souvent? À mangez-vous souvent? J'adore ça. Ah oui? Mais... Comment dire? Quand j'étais restaurateur, pendant 10 ans, je servais des andouillettes d'un type admirable qui s'appelait Provost, qui était charcutier la Porte d'Orléans. Et c'était admirable. Alors, j'adore ça, mais je suis extrêmement méfiant. Ok. Faut que ça soit parfait. Mmh. Sinon, c'est immangeable. C'est réussi ou pas? Ben, c'est comme les tripes, si ça s'en amère, c'est plus bon. Non, c'est certain. Le monsieur qui s'occupe de vos missives, de vos courriels, est vraiment très efficace. Que no lo aguanta mi cuerpo. là pour vous. Ils ont décidé de se battre dans un duel SPL sans merci. C'est à toi. La barre des 150 décibels a été dépassée aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi. De Jean-Pierre Coff, Descente au plaisir ou Souvenir d'une bouteille. Après ces moments très intenses de découverte du plaisir et de la passion, faut recevoir le bouchon. C'est un peu douloureux. Le bouchon est toujours un peu plus gros que le col, mais bon, faut s'y faire. Un bon bouchon, c'est aussi très agréable. Plus pour les bordelaises que pour les champenoises. Quand je pense à la forme du bouchon de champagne, je me dis que ça doit être plus agréable quand ça sort que quand ça rentre. Avec lui, on va passer toute une vie. Alors quand on a la malchance d'un mauvais bouchon, c'est l'assurance d'une vie insupportable. Le vin est mécontent, il ronchonne, il bouchonne, il est de mauvaise humeur, il a mauvaise haleine, il sait que ça ne s'arrangera pas et que c'est au vin que le buveur en voudra. Les imprécations du buveur qui découvre le vin bouchonné sont terribles, proportionnelles à ses espérances. Et le plaisir du buveur, lui, commence au moment où il a l'idée de boire. Il choisit une bouteille. Son cœur bat, il hésite. Celle-ci ou une autre? Celle-là. Il prend la bouteille, avec sensualité, pour l'extraire du casier. Il aime se salir les mains à épousseter délicatement l'étiquette, et quand la bouteille est très vieille, pour vérifier le millésime. Il l'allonge tendrement dans ses bras pour la transporter dans l'office. Il l'essuie délicatement, la regarde et commence à rêver. La coiffe retirée, il examine le bouchon avec anxiété. Les pensées les plus contradictoires se bousculent dans sa tête. Et dès qu'il aura planté le tire-bouchon, son idée sera faite. Trop sec, trop humide, il se casse, puis il sent mauvais. C'est insupportable. Et si le doute s'installe, c'est la précipitation. Le goulot sous le nez, il respire, il hésite. Vite un verre, mais déjà l'enthousiasme est retombé, la joie a disparu. Le plaisir est en partie gâché. Pendant ce temps très court, le buveur ne pense plus au vin. Il ne pense qu'à lui. Et pourtant, ce pauvre vin, ou il a passé toute sa vie à concubiner contre sa volonté avec un bouchon mal embouché, ou tout s'est déroulé dans l'harmonie. Mais dans les deux cas, il n'a aucune défense et ne peut rien dire. Le buveur lui verse le vin brutalement dans le verre, le fait tourner maladroitement et précipitamment. C'est l'épreuve du nez. Quand il est bouchonné, horreur! La colère explose, il n'y aura pas de plaisir, c'est la frustration du coït interrompu. Mais quand il est bon, les perspectives de bonheur apaisent le buveur, il s'achemine vers l'orgasme. L'explosion aura bien lieu. Pour ce qui me concerne, j'ai toujours eu de la chance. Mes bouchons furent toujours à la hauteur. Quant à l'opération étiquetage, de mon temps, c'était très agréable. J'étais confortablement installé entre les cuisses d'un beau vigneron et avec délicatesse, il collait une très jolie étiquette, souvent une œuvre d'art, une litho. Il nous caressait pour que l'étiquette ne se décolle pas et nous regardait tendrement pour vérifier notre allure, nous donner une sorte de passeport pour l'avenir. Ensuite, une coiffe, bah oui, un chapeau, et puis ça y est. Je suis devenu premier grand cru classé 1928. Nous nous sommes retrouvés, mon vin et moi, tous les deux, heureux, pendant 50 ans ensemble, blottis l'un contre l'autre, l'un dans l'autre. Ah, que j'étais heureux. Imaginez, un demi-siècle avec un vin qui tous les ans est meilleur que l'année précédente. C'était merveilleux de le sentir vieillir. Je l'observais et toutes les espérances qu'il m'avait laissé entrevoir, soupçonnées lorsqu'il m'a pénétré pour la première fois, se sont réalisées. Il s'épanouissait en moi. Année après année, il devenait grand, généreux, puissant, fort. J'avais peur de ne pas pouvoir le contenir, tant il y avait de force en lui. Et puis, il a mûri. Il est devenu plus raisonnable, plus calme, presque sage, en tout en conservant sa force et son énergie, bien sûr. Oh, vous n'imaginez pas combien la vie d'une bouteille est heureuse quand elle se déroule en compagnie d'un vin de qualité. Nous avons été séparés trop tôt. Je suis sûr que nous aurions pu vivre ensemble 20 ou 30 ans de plus. Mais qu'y faire ? Notre destin d'être séparés contre notre gré du vin que nous aimons. Ah non, non, non, non. J'ai envie de mon vin. discuté avec votre collègue. Mon assistant. Oui, il est vraiment très gentil. Ah bon? Très gentil. On déforme comme on est. Hein? Ben, non, il est vraiment sympathique, rapide, vraiment professionnel. Oui, oui. Je regarde toujours. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être horriblement prétentieux ce que je dis, mais je ne vois pas pourquoi. Quand je pose la question, je dis « Je voudrais aller au Québec vendre des livres. » On me répond « Ça ne marche pas, les livres sont trop chers au Québec. » Alors je dis… Moins cher qu'en France. Moins cher qu'en France. Mais vous savez qu'on peut trouver vos livres au Québec, comme j'ai trouvé votre CD… Ah bon? Ah oui. On demande et ils font la commande. Ah oui. Par Amazon. Non, la librairie Pantoute, qui est une librairie québécoise artisanale. Donc, vous leur demandez un livre, vous leur demandez un CD livre comme j'ai commandé, et ils vont faire la demande en France à votre éditeur, et ils nous l'envoient. Mais, vous avez mis combien de temps pour l'avoir? 10 jours. Et vos livres sont disponibles au Québec? En édition de poche, entre autres. Ah bon? Ben oui. Ben oui, la librairie Pantoute. C'est une librairie vraiment, comme je vous dis, artisanale. C'est-à-dire que elle fait partie d'aucun mouvement, aucune ligne d'édition. Donc, elle est indépendante. Indépendante, oui, effectivement. Indépendante. Comme CKRL est une réseau indépendante. Et on y retrouve des livres tout à fait rares, sans aucun problème. Ils nous les font venir si on le demande. Mais moi, je pourrais très bien les faire une signature là-bas. Ben oui, ben oui. En plus, il y a un salon du livre au Québec, à Québec, un salon du livre à Montréal. Il y a un salon du livre? Ben oui. À Québec et à Montréal, ben oui. Amélie Nothomb vient annuellement. Mais Amélie Nothomb... Vous allez me dire que c'est une vedette, là, mais même les jeunes auteurs viennent signer des livres au Salon du livre de Québec et de Montréal. Ben oui. Je vous enverrai les renseignements. Je vais les envoyer à votre... À Christophe. À Christophe, oui. Ben là, c'est terminé, là, mais le prochain, c'est en 2014. Au printemps. À l'automne, excusez. À l'automne. Donc... Non, mais c'est pas bien ce que je fais. Pourquoi c'est pas bien? Je suis avec ça. Donc, c'est pas pour fumer, mais c'est un petit plaisir. Je vois que vous avez demandé l'addition, mais moi je vais fumer un cigare. Pour le pire. La difficulté, c'est d'arriver à se contrôler entre un paquet et une. Non, c'est facile. Moi, ça me dégoûte la cigarette maintenant. Je fume ça. Vous trouvez ça bien, vous ça? Tout est mieux. Oui, mais vous avalez la fumée? Ah oui. Mais l'avantage du cigare, c'est qu'on n'avale pas la fumée. Là, vous ne savez pas ce que vous avalez. Non. Il y a eu une enquête de France 2 là, avec des fêtes. Ils sont en train de rechercher les composants. Crédible, une enquête crédible. Apparemment, oui. Mais pour l'instant, ça, on nous en parle, c'est juste du flow. On en parle, mais c'est pas tout à fait. On ne soulève pas encore le problème. Oui. Il a fallu le soulever il y a un an, quand même, comme ça a été lancé. Ah oui ? Ça a été lancé déjà en Allemagne ? Mais oui. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est bien. Chez nous, ça fonctionne très bien. Comment ? Chez nous, les cigarettes électroniques, ça fonctionne très bien. Très bien ? Malheureusement, oui. Mais nous avons des saveurs, menthe, orange. Mais ça ne veut rien dire. Ah, bon, non, non, non, c'est juste la saveur. C'est la nouvelle mode, ces cigarettes électroniques, c'est la nouvelle mode. Et souvent, les gens joignent les deux, la cigarette traditionnelle et la cigarette électronique. À l'endroit où ils n'ont pas le droit de fumer, ils utilisent la cigarette électronique. À l'extérieur, la cigarette traditionnelle. Il y a même des joints, ça goûte le marijuana, mais ça n'en est pas du marijuana. De quoi? Des joints électroniques. Ah bon? Oui, au Québec. Ça goûte le joint, la marijuana, sans le produit qui fait délirer. Ça goûte, mais ça ne fait pas d'effet. Le THC, là, qui fait entre guillemets, halluciner. Et quel intérêt ça présente? Ben, pour les anciens, les nostalgiques, je sais pas. Les gens qui veulent se relaxer, donc... Mais moi, je ne suis pas pro cigarette électronique, donc... C'est comme les boissons énergisantes, hein? Combien? Les boissons énergisantes. C'est des escroqueries. Oui. Mais chez nous, c'est très très fort, hein? Ça fonctionne très très bien. Red Bull est rendu dans la publicité. Ils publicisent le tennis, ils publicisent le golf, ils publicisent les courses automobiles. Anciennement, c'était les cigarettes. Aujourd'hui, c'est rendu des boissons énergisantes. Red Bull est partout. En France aussi, j'en ai vu. Bien sûr. Ouais. Mais... En avez-vous déjà bu? De quoi? Des Red Bull. Des boissons énergisantes. Tenez. Je suis contre les... Je combats ce qu'on appelle le binge drinking. C'est-à-dire écrire très vite. Ok. En buvant n'importe quoi. Ok. Je ne suis pas... Voyez, je dis à des mômes qui veulent se saouler la gueule comme ça. Tu n'es pas destiné à avoir du plaisir. Le plaisir, c'est un peu l'attente. C'est la découverte. Tu baiseras comme un lapin. Tu bois comme un lapin, tu t'enivres comme un lapin, tu baiseras comme un lapin. Mais oui. Mais oui. C'est le dosage. C'est certain. Merci. Ah, vous ne voulez pas du tout? Non, c'est bien passé. Je dois faire attention, c'est le décalage horaire, là. Vous arrivez quand? Je suis arrivé aujourd'hui. Ah bon? Je suis arrivé à 7h, et pour la première fois, on nous a fait attendre 1h30 aux douanes, puisqu'il y avait juste 2 policiers qui prenaient les vérifications. Donc, nous étions 350, et tout ça a pris 1h30. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est honteux. Alors,